Et on écoute tout de suite Mademoiselle Lullabies sur ma radio. Ladies and gentlemen, welcome, welcome, welcome to my radio. Ma radio. Ça me relaxe complètement. Ma radio. Ça me déstresse. Oh là là. Ma radio. Je n'ai jamais vu tout à fait un truc aussi mal foutu que ça. Je vais me casser, je me suis cassé un ongle. Bravo. Oh. Voilà, c'était le petit jingle qui nous permettait C'est mon préféré. Voilà, d'introduire Fanny Lullabies. Je me permets de dire introduire. Hein. Oui, permets-toi. Et on va commencer par un petit classique. Ouais, tu peux dire bonjour aux gens. Ouais, salut. Ouais. tu peux dire bonjour. Je suis ravi d'être sur ma radio et qu'il y ait autant d'auditeurs, tout ça. Ouais, il y en a plein. Voilà, il y en a plein et je suis contente parce que Joachim m'a acheté de la blanche et je connaissais pas, c'est super bon. De la blanche, pas de la cocaïne, oui. Hein, des bières blanches. La bière. voilà, des bières blanches. Oui, pardon, précise, je ne prends pas de drogue. Voilà, parce qu'on n'a pas la vidéo, les gens ne voient pas de quoi tu parles. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est la radio, hein, ça s'appelle la radio. Donc c'est de la bière blanche, elle est ravie, elle aime ça, je vais lui en servir encore parce que comme ça, oui, elle va tu nous... vas être un peu pompette. Des pompettes. Elle est ma brunette, qu'est-ce que tu nous envoies? Eh ben, je commence par un, donc je disais bien, un classique, Frankie Knuckles, Your Love. Voilà. On le connaît. Bien sûr, on connaît un classique de la house, tu voulais dire. Parce que un peu un pop, classique, un petit house tendance pop. D'accord, voilà. On en voit tout de suite. Oh là là. C'était Frankie Knuckles, c'est ça, Fanny? Oui, c'est ça, tout à fait. Your Love. Your Love, Frankie Knuckles. Un titre qui date de quelle époque à peu près? Oula, dans les années 90, je pense. Ouais, au début. Pas dire bêtises, la date exacte. Voilà. En tout cas, voilà, c'est un truc assez planant. Voilà. On va écouter quoi après? Bah, une petite reprise de Ring My Bell par les Blood Sisters. Une version reggae dub. Ouais, donc ça, c'est un truc que t'écoutes un peu chez toi, ça. C'est ça, ouais. Mais même en soirée, je le mets. Ah ouais? Oui. Tu mixes bientôt? Oui, samedi au café Étienne Marcel. Ah, samedi, on va venir t'écouter. Allez, Blood Sisters, ring my bell. Yeah, man. Quelle reprise! Waouh, c'est qui la reprise? Anita Ward, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ah, t'es trop fort, Jojo. Je sais. Anita Ward, ce titre disco des années 70 qui nous a gratifié. Enfin, les Blood Sisters nous ont gratifié d'une reprise reggae magnifique. Il y en a eu plein d'autres reprises, mais celle-là, c'est ma préférée. D'accord, il va falloir que tu parles un tout petit peu plus fort, ma chérie. Ouais, comme ça, qu'on t'entende bien. Et là, c'est bon, là? Ouais, là, c'est bon. Ok, là. Alors la suite. La suite, qu'est-ce qu'on écoute ensuite? Qu'est-ce que tu nous as préparé? Ensuite, bah, encore un vieux machin, parce que j'aime bien les vieux machins. Ah, t'aimes bien les vieux machins? Ouais, enfin, je vais alterner vieux machins et trucs nouveaux. Tu préfères les vieux machins fripés ou les trucs jeunes, les vieux machins vigoureux? Ça dépend de quoi on parle. Voilà. Et j'enchaîne sur un petit Bell Stars. Les Bell Stars. Voilà, ils ont fait un morceau bien connu, Sign of the Times. Sign of the Times. C'est un titre aussi de Prince, Sign of Times. Oui, je pense que ça y ressemble. Voilà. Et ça date de 83. Voilà, un petit Sign of Times de 83, on écoute tout de suite. Bell Stars sur ma radio. Et c'est l'émission de Fanny Lula Baez qui sera en chair et en os samedi à l'Étienne Marcel. Be alone. This is the sign of the times. Peace of mind to come. This is the sign of the times. Why do we go on with this useless love affair when it seems to me that you don't really care? I realize now nothing is new. Time to live my life without you. Ça s'échauffe, ça se réchauffe. T'as envie de parler? Non, je voulais dire un truc, mais c'est resté bloqué. C'est quoi? Tu voulais dire? Bah rien, je voulais chanter, mais en fait... Vas-y, chante. Non, oula, non. Je vais plutôt chanter de la techno, c'est plus facile. Ah, d'accord. Bon, c'était Silent Times, Bell Stars. Oui, tout à fait. Un titre de 83. Voilà, où, si vous avez bien écouté les paroles, elle dit quoi? Elle dit que tu m'aimes, mais moi j'ai envie de vivre du succès. Voilà. Alors voilà, ça veut tout dire. C'est un peu toi ça. Oui, c'est moi. Là, c'est on va écouter quoi dans ta sélection? Allez, on part dans le plus lourd, dans le sub. On part dans la sub avec Carl Craig. Voilà. Un petit mix de Carl Craig sur la compil Fabric 25. Fabric 25, et le titre s'appelle Darkness, et c'est un remix de Max. Pas de Fun Radio Max, hein, mais un autre. Non, un autre. Il y en a beaucoup des Max, non? Oui, en radio surtout. Maximum. Max. Un Max, Joe. Very funny. C'est un spécial fête des morts. Voilà, il est dark. Hein. Oh là là, qu'est-ce oui, qu'il est dark. Darkness. Darkness. Oh là là. Oh, ça réveille même pas les morts. Les morts, ils restent morts avec ça. Ah ouais. Juste après, tu veux nous faire un petit cadeau, Lula Baez? Un petit cadeau, oui. C'est cadeau. C'est present. Et c'est un morceau avec, avec moi. Avec toi déjà. Avec moi et Cédric. Donc, et Cédric. Sous le nom Lula Bad. Et Bad Sed. Voilà. Donc Bad Sed, vous avez fait un morceau ensemble qui va sortir dans peu de temps. Qui sort le 26 novembre chez Timid Records, qui est un petit label d'Angers qui commence à grimper. Qui est tout timide. Non, je vais parler comme ça, le petit Timid Records. Il s'appelle After You, notre morceau. Voilà. Et j'ai même des badges. After You et des badges Timid Records. Tu veux dire des pins parlants ? Non, des badges. Des badges parlants. Pour mettre sur ta casquette. Voilà. Ta casquette fluo, bien sûr. Oui, quand tu danses la tectonique, il faut que t'aies ton badge. Voilà, et on aura donc plein de badges à donner à ceux qui nous envoient des mails à selectionmusique@orange.fr et on vous enverra des badges After You. Donc envoyez le mail et l'adresse et votre nom. Voilà. Donc c'est After You Master. Ça c'est le master, c'est parce que c'est la version def masterisée. C'est une exclue. C'est une exclue, personne ne l'a entendu, jamais. Voilà, donc on écoute tout de suite après la fin de Carl Craig qui ne reviendra pas à mort, After You de Lulabad, sur ma radio bien sûr. Alors ça, c'est une exclue. Hein. Ah, tout à fait. Ça, c'est l'exclue de la semaine. Alors là, si vous avez adoré, eh ben, faut attendre le 26 novembre. Il voilà. sort dans les bacs. C'était Lullabies et Lullabad, pardon. Lullabad, Bad Sed et Lullabies. Et Lullabies qui nous ont gratifié de ce titre de dingue. Je sens le clip vidéo avec beaucoup de gens qui dansent la tectonique là-dessus. Oui, ben, je recrute d'ailleurs au hall tous les jours. Voilà. J'étais au hall la dernière fois, c'est incroyable carrément. Les gens ils dansent pas, mais ils sont tous lookés tectoniques, c'est incroyable. Non, mais même partout maintenant, ils vont dans un magasin, ils voient une glace, ils dansent tectonique. Ah bah donc, voilà. Voilà. Eh bah écoute, tu as créé le titre pour les gamins tectoniques. Je voulais préciser un petit détail aussi, un petit remix d'Arnaud Gonzalez, qui est un très très bon DJ producteur. Qui est en préparation. Donc il a remixé ce morceau et qui, je vous le ferai écouter juste à la fin de mon mix. Oui papa, c'est ça qu'on veut entendre. Voilà. Et on va enchaîner sur c'est un petit groupe que j'ai vu sur MySpace. Voilà, MySpace. Voilà, mais disons que musicalement c'est assez rigolo. On va pas dire que c'est super poussé, ouais. Mais c'est très drôle, plein d'idées, très drôle. C'est Sexy Sushi. Alors plein de gens connaissent. Sexy Sushi. Moi je connaissais pas, hein, personnellement. Voilà. Et le morceau s'appelle T'enflamme pas pétasse. D'accord. Bah, la prochaine fois que je mangerai un sushi, je penserai à ça. Voilà. Donc je penserais d'abord que ça soit sexy. J'ai jamais pensé qu'un sushi était sexy, mais je penserais à ce titre, T'enflamme pas pétasse. Là vous pouvez taper Sexy Sushi sur MySpace et vous allez voir leur page et leurs morceaux qui sont assez rigolos. Donc c'est plus la blague entre deux morceaux assez sérieux. Voilà, allez, pour la blague on écoute Sexy Sushi dans la sélection de Lullaby ce soir, bien sûr. Des paroles, on a envie de méditer sur ces paroles. Hein, c'est puissant. C'est des paroles. Les paroles sont puissantes. Ça mérite réflexion, moi j'ai envie de dire. Hein. Mais oui, les gens réfléchissent pas assez. Et non, on réfléchit pas. Surtout sur ce genre de thème. Hein, t'enflamme pas pétasse. Avec son cul, on y arrive aussi. Bah voilà. Avec son cul, on y arrive aussi. Ça nous fait penser à des titres de Catherine ou encore ou encore Yel, tout ça, enfin toute cette nouvelle mode de paroles un peu crues, j'ai envie de dire. Oui, j'ai pas mis l'autre qui est j'encule tout le monde en fait, donc mais voilà. Peut-être je le mettrai un jour, mais il est assez. Il est un peu plus violent quand même. Il est un peu méchant, mais j'adore. Ah ouais. Mais parce que moi j'aime pas d'enculer les gens. Faut pas enculer les gens. Déjà ça fait mal. Mais non, Joachim, faut te détendre, voyons. Voilà, c'est pas parce que toi t'aimes ça que tout le monde doit aimer ça. On écoute quoi après ? Oh bah un petit classique funk. Allez, enfin, de la voix. Jocelyn enfin. Brown. Parce qu'avant c'était pas trop de voix. Là, non, voilà. C'est de la voix. Là, c'est pour montrer la différence de vocal. Voilà. Gagnante de la Starac, hein, Jocelyn Brown. Ouais. Sublime. You are the one who. You are the one who makes me feel so real. Yeah, yeah, yeah. Oh, what am I supposed to do? Oh, what am I supposed to do, baby, when I'm so. Pardon, c'était la nouvelle star, hein, c'était pas Starac. Pardon. Pardon, mille excuses. Hein. Then I realize, oh, I realize that you are somebody else's guy. Jocelyn Brown, elle me fait bouger. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Moi, j'adore ce titre. Oh, parce que c'est un titre, tu penses, tu sais quoi ? T'as l'impression que tu vas danser un slow. Ouais. Non, t'as l'impression que tu vas danser un slow et tout d'un coup, tac, tu t'imagines, tac, tu vas emballer la nana en fait, devant toi. Walou. Et Walou, tac, ça te passe sous le nez. Et non, parce que c'est un titre dansant. Donc, tac, la nana, elle se barre. Ouais. Et moi, je suis vert. D'ailleurs, je vais pisser. Non, je vais. Donc c'était Jocelyn Brown dans la sélection de Lullabies. Et après on enchaîne avec une autre fille qui chante aussi, hein, une petite reprise de Jeannette. Gagnante de la nouvelle star, oui, aussi. Porchetta Bass, reprise de Jeannette, Julieta. Venegas, la version rock and roll. Porchetta Bass. Thank you. pourquoi tu te casses. Bon, à tous ceux qui l'auraient pas compris, ce soir c'est Halloween. Et Fanny n'est autre parce qu'elle est déguisée en Fanny. Mais en fait, sous son masque, c'est Béatrice Ardisson. J'ai oublié de vous dire. Pourquoi tu te casses. Pourquoi tu te casses ? Parce que t'es con. Pourquoi tu te casses ? C'était Julieta Venegas. Pourquoi tu te casses ? Voilà. C'est de l'espagnol hein, pour ceux qui savent, qui n'ont pas compris. Et porque te vas, pourquoi tu te casses ? Bah, si, alors. Voilà. Après, on enchaîne, je joue à Aïe Aïe Aïe Conchuelo. T'as décidé d'imiter Garcimor en fait. Je suis Aïe Aïe Aïe Conchuelo. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Voilà, donc nous avons Garcimor ce soir. Je suis désolé. Hein. Pour tous les fans, on va avoir une Gloobie Boulga Night bientôt. Cool. Alors on écoute quoi ma chère Lula Baez? Ah bah c'est déjà parti, c'est Pierre Bucci, Aïe Aïe Aïe Consuelo, le remix de Samim, un peu un tube d'Ibiza de l'année dernière, Dance Floor. On aime Ibiza ou pas? On adore surtout le parfum d'Ibiza. Voilà, David Guetta. Non c'est Cathy le parfum. Ah c'est Cathy, d'accord, mais ça existe en le, David c'est le déo. Hein. C'est ça, il en a besoin, dans son avion, dans son aéroplane. Oui. Whoop. Allez, allez, allez, allez, pécho, pécho, pécho, ah oui, ah oui, ah oui, pécho, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Oh, tu sens comme tu me fais du bien. Moi j'ai envie de la tenir toute la chanson comme ça. Ah oui, ah oui. Tu saoules, tu saoules. D'accord, j'arrête. We'll be right back. Gueule. Ah, tu saoules. Ah, tu fais chier, toi. Ah, tu saoules. Oh là là, tu saoules. Aïe, aïe, Consuelo. Bah, Consuelo, elle est dans les escaliers. Hein. Oh, le racisme latent. Oh, c'est horrible. Là. Bon, on va partir sur du classique encore. Quoi, tu pars? Non, mais moi, je me casse. Tu me saoules. Je me barre. J'ai pas compris. On va partir, c'est-à-dire? Bah non, mais on change, là. Ça saoule, quoi. Ouais, ça saoule. On va envoyer quoi? Stevie Wonder. Stevie Wonder. Ah bah. Ah bah voilà. Pas que nous qui partons. Hein. Voilà. Donc on va envoyer Stevie Wonder. Part-time lover. Part-time lover. C'est ça qui est bien, c'est que ça change. On écoute un coup Pierre Bussy, après Stevie Wonder. On écoute de tout. C'est une radio familiale. Après, tout le monde est accepté. Elmer Footbeat. Ah non. Ça c'est pas drôle. Allez. Stevie. Le plastique, c'est fantastique. L'aveugle. On laisse la place à l'aveugle. En train de chanter. Petit coquinou, gredin. C'était Stevie Wonder. C'est une radio familiale, il y a de la place même pour les aveugles. Ouais, bah en tout cas, nous, on n'est pas sourds. On n'est pas sourds, oui, c'est vrai. On écoute Stevie Wonder par Time Lover et une petite dédicace à Caro qui nous écoute du fin fond de je sais pas où elle habite. We'll be right back. veux causer ? Ouais, je voudrais dire le prochain morceau, que ouais. Tu vas prononcer le nom parce que je ne me rappelle plus. Alors, le voilà. Prochain morceau, c'est Marcus Enochson. Enochson, voilà, j'ai voilà, Enochson, ou alors Enochson. Enochson, voilà. Enochson. Mais Enochson, en fait, c'est, ça vient de sortir que maintenant. C'est le nouveau label d'Alex Kidd qui s'appelle ouais. Imprimé. D'accord. Et voilà, donc c'est le nouvel artiste de chez Imprimé. Voilà, et tu veux encore en parler ? Non, le morceau s'appelle Red Coffee. Red Coffee. Et café c'est rouge, quoi, café l'original. Rouge. Et c'est le mix original qui est de là où tout a commencé, en fait. Chez Imprimé, voilà. Chez Imprimé. Le label d'Alex Kidd et Rémi. Et Rémi. Et Rémi. Et Rémi. Alors Rémi. Et voilà, on fait des imitations aussi ce soir. Hein. S'il y a des gens qui veulent qu'on imite Chirac ou alors Balladur, vous nous envoyez un mail à sélection. À sélectionmusique@orange.fr, sélectionmusique en un seul mot, @orange.fr, avec un C à la fin, musique, hein, avec un C, pas orange. Non, non, on envoie tout de suite Marcus Enochson, Red Coffee Original Mix, parce que c'est le mix original, tout simplement. Oui, exclu. Exclu, tout à fait. Oh là là, ça part. C'est deep. Ah oui. Arrête. Arrête. Ouf. Ouf. Attention, c'est Halloween ce soir. Bouh, j'ai peur. Il faut que j'aille faire caca. Thank you. peut dire qu'il y a de l'écho là-dessus. Ah oui, moi j'ai les poils qui se dressent. Je sais pas pour toi. Lesquels? Les avant-bras. Ouais, d'accord. Et les doigts de pied. D'accord, ceux des doigts de pied. Moi aussi, ceux des doigts de pied, ils s'irissent. Charmant. C'était Marcus Enoxon dans le mix de Lula Bise. Tout à fait. Enfin, le mix, et la ce sélection. Disque, vous pouvez le trouver maintenant, tout de suite. Tout dépêchez-vous de suite. Parce qu'il part très vite celui-là. Comme des petits pains, oui, j'ai envie de dire. Comme des petits pains. Comme des petits pains. Voilà, c'était un petit pain qui s'appelle Red Coffee. De Marcus Enoxon sur imprimé, voilà. C'est le numéro 1. Voilà, c'est le label de Alex Kidd et Rémi. Et tout de suite après, on écoute une petite edit de release par Paco Suna. Paco Suna, j'adore Paco Suna. Un DJ espagnol Barcelone. Bien sûr, Paco. Signé chez Plus 8 et Minus, donc chez Richie Hawtin. Donc on rigole pas. Hein. Non, il faut pas rigoler pas avec rigoler. Paco. Et son edit, c'était pour moi, donc c'est marrant. C'est pour ça que je l'aime bien. Il s'appelle Fanny Broke My Ass. Oh, ouais. C'est un edit qui a été fait pour toi. Oui. Oh, c'est mignon, une petite dédicace de Paco Suna. Non. Ouais, pour moi, je me fais des dédicaces. Ah bah j'adore. Voilà. Donc, c'est Release, c'est ça, Release, c'est l'original, ouais. C'est d'accord. C'est un remix. D'accord. Ouais, c'est l'édit, en fait. C'est toi l'édit. C'est toi qui as fait cette édit. Non, c'est Paco. Ah, c'est Paco. Je comprends rien. Mais à l'origine, Paco, il a fait un édit de Release pour moi. D'accord. Voilà. Et Release, c'est il qui a à rajouté la base Fanny Broke My Ass. Et c'est qui à la base, Release? Oh, c'est un groupe. D'accord. Ok, bon, j'ai rien compris. C'est clair. J'ai rien compris. Clair. Et la chanson s'appelle comment alors? Ah, je sais pas. Ah, d'accord, ben voilà, je savais qu'il y avait un truc qui déconnait quelque part. Il manque quelque chose. Il manque un truc. Ok, bon, on écoute. Ça s'appelle Fanny Broke My Ass, putain. Ah, d'accord. En français, casse les pieds, mais en anglais, on dit casse mon cul. Ouais, casse mon cul. Ouais, qui m'a cassé le cul, ouais. Ben, on va voir comment tu lui as cassé le cul tout de suite. Sur ma radio. Eh ben, dis donc. C'est deep en tout cas. Et tu lui as cassé le cul d'une manière deep. C'est super smooth. Avec de la vaseline, j'ai envie de dire. Bloup, bloup, bloup. Ah, des petits charlets. Allez, on écoute Paco Suna. Thank you. Quoi? Oh, je baisse le retour. Bien sûr. Le retour, parce que c'est... Parce que c'est vénère. Hein. Bien sûr. C'est trop vénère. Ah, c'est très vénère. À tous les cons qui comprennent pas cette musique, allez vous faire foutre. Ouais, allez vous faire fiche. Allez vous faire fiche. Et à tous les cons qui aiment bien écouter de la merde. Eh ben, on envoie Sylvie Vartan juste après. Et comme un garçon, c'est mon répondeur de téléphone, donc j'adore. Ah, bah oui, donc en même temps, maintenant, on n'a plus besoin de t'appeler. On écoute ce morceau, on n'a plus besoin de t'appeler. Allez, après Paco Suna, c'est bien. Sylvie encore Vartan. Un peu on écoute encore un peu Paco Suna. Oh non, allez. Qui est vénère, hein. Il est vénère, Paco Suna. Ah, bah, je vais bien casser le cul. Ouais. Ah, bah, on envoie Sylvie Vartan, allez, tout de suite. Je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections. Faut faire attention, comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis dans tes bras, je ne suis qu'une petite fille perdue quand tu n'es plus là. Comme un garçon, moi j'ai ma moto. Comme un garçon, je fais du rodéo. C'est la terreur à 200 à l'heure. Comme un garçon, comme un garçon, j'ai peur de rien. Comme un garçon, moi j'ai des copains. Et dans la bande, c'est moi qui commande. Comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis avec toi, je ne suis qu'une petite fille. Oh, tu fais ce que tu veux de moi. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, toi tu n'es pas très attentionné, t'es décontracté. Mais avec toi, je ne suis plus jamais comme un garçon. Je suis une petite fille. Tu fais ce que tu veux de moi. Voilà, c'était la magnifique Sylvie Vartan. Enfin, magnifique à l'époque, hein, j'entends. C'était comme un garçon. Parce qu'elle a mangé. Hein, voilà, elle a mangé. Elle a pris cher dans sa vie, la petite. C'est donc la sélection de Lullabies, encore pendant une petite dizaine de minutes, qui va nous gratifier à la fin de sa sélection, encore d'une exclusivité. Hein, tout à fait. Tout à fait. Et voilà, donc c'était Sylvie Vartan. On aime Sylvie Vartan. On va la laisser jusqu'au bout, la petite. Encore 15 secondes de Sylvie. Voilà. Voilà, c'était même pas 15 secondes. Allez, ta gueule, hein. Ta gueule. Ta gueule, connasse. Après, c'est un peu énervé aussi, j'adore. T'aimes bien ce qui est énervé, hein. Ouais, je suis énervée en ce moment. Pourquoi t'es énervée? Oh, bah, j'aime bien. T'as tes règles? Bah, non. Non, oh, mais même moi, pas. Moi, même pas, vrai. Complètement misogyne, je croyais que tu avais tes règles. Bah, oui. Bah, oui, c'est ça, c'est mon côté misogyne. On va écouter quoi après? Après, ça s'appelle The Soft Pink, Truth. La vérité. Truth. Ah, Truth, pardon, Truth. Trust. Truth. T'as pas trust. Non, truth. C'est la truth. C'est la vérité soft, douce du rose, finalement. Ouais, voilà, c'est très doux, tu vois. Voilà, ça s'appelle très... homosexual. Oh, oh là là là là, je m'attends au pire avec toi. Ah oui, ah dis donc. Oui, oui, d'accord. Vas-y, mets les retours. On met les retours. Mais je voulais du Sylvie Vartan encore. Ta moi. Gueule. Homosexual, make it last. Homosexual, jerk me off. Homosexual, go get lost. Found out that you're dead. Y'a un problème ? Y'a un problème, Joachim ? Moi je supporte pas ça, je suis désolé. Hein. Ah, j'adore ta sélection, et c'est pour ça que je t'ouvre l'antenne, mais moi, ça m'irrite. Ah, laisse le break au moins, allez, juste le break. Ah, allez. D'accord, allez. Pour toi. Merci. Parce que tu es mon maintenant. Invité. Ça se danse comment ça? La tectonique, alors je sais pas, pas sûr. Je pense qu'il y a un peu de guitare. Oh là, attends, je baisse un petit peu. Je préfère entendre ta voix finalement, qui est beaucoup plus gentille que ce titre qui est horrible quand même. Il faut le dire, c'est un titre horrible. Mais non, moi j'aime bien. Mais tu le mixes ça dans tes soirées? Bah ouais. Non, tu le mixes pas. Non, c'est Lector. Ah oui, mais les gens dansent là-dessus? Ah non, pas du tout, non. Non, ils se cassent. Les gens se cassent. Mais j'adore, c'est quand j'en ai marre. Voilà. Et j'ai envie de rentrer ou j'ai envie de pisser. Voilà, donc là, t'en avais un peu marre de nous balancer des titres. J'ai bien compris, t'as envie que mes auditeurs se cassent et se disent « Quelle radio de merde !» Vous avez raison d'avoir pensé comme ça si vous venez d'écouter ce titre et vous êtes parti. Non, mais en même temps, vous les trouvez aussi sur MySpace, voilà, pour ceux qui ont aimé. On sait jamais, il y en a qui aiment. Soft Pink Truth, c'est pas soft du tout en tout cas, c'est Hard Pink Truth, putain j'arrive même pas à le dire. Eh ben écoute, on va finir avec une belle exclue de ta part. Oui, bah encore un petit Loulabat qui est pas sorti. Oui. Voilà. Attends deux secondes. Ah, ils sont toujours énervés derrière, ok, bon je baisse toujours. Ah oui, ils sont toujours énervés. Ils sont là. Mais donc tu disais quoi? Bah moi c'est plus soft après mon morceau en fait. Ah, plus Sticking soft. Sticking Baby. Voilà. Voilà. Qui sort sur quel label? Bah non, il n'est pas encore signé, c'est prévu, mais on ne sait pas où, quand, comment. Donc c'est super exclu alors. Et c'est featuring Ma. Ma. Comme ma radio, mais Ma. Ma. C'est sans une chanteuse. Radio. Ah d'accord, Ma. On voilà. Écoute Ma. Ah, un petit coup de fouet. Ça, ça bouge. Ça, c'est funky, moi, j'ai envie de dire. Ah oui, dédicace à Zizi. C'est sa préférée. Moi j'adore ce titre. Hein. Le retour. Ouais. Moi j'adore ce titre. Ah. Vraiment. Ah, ça me fait trop zizir. Ouais, vraiment, c'est très très bien. Ça donne envie de bouger là. Bah d'ailleurs, tu vas bouger. Je vais me casser. Ça donne envie de se barrer. Non, ça donne envie de bouger, je te rassure. Et ça m'a fait très plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Bah oui, moi aussi avec nous ce soir. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était sympa. Tu reviens quand tu veux, hein. Oh bah demain, non. Ah bah moi je reste là. Je peux dormir là. Et donc bah voilà, c'était Lullabies en direct live sur ma radio ce soir. Je vous avais promis, avant qu'elle dise au revoir à tous ses auditeurs, je vous avais promis une petite surprise. Et la petite surprise maintenant, juste après un jingle et la fin de Lullabies bien sûr, on va écouter une archive de ma radio déjà, parce qu'on a déjà des archives. Pardon, j'ai du mal à parler. Je vais baisser un petit peu. Donc une archive, et c'était jeudi dernier, c'était l'émission avec Le Mato, c'était son émission, c'était Et toi t'écoutes quoi au cinéma, c'était la première émission sur Et toi t'écoutes quoi au cinéma, un moment assez drôle, assez incongru, et donc voilà, vous avez 1h20, vous allez pouvoir écouter donc l'émission de la semaine dernière, où on a beaucoup rigolé, comme là, comme cette émission-là, on a beaucoup rigolé aussi. Ah oui. Et ça m'a fait vraiment, vraiment encore très plaisir de t'avoir dans cette émission. Moi aussi, mon Jojo. Oh, ça me fait plaisir. On s'embrasse. On vient. Et toujours ce titre qui est très très bien, qui s'appelle Stinky Baby. Baby sur avec... ma page Lullabies sur MySpace. Voilà. Donc tout ça, vous pouvez retrouver bien sûr tous ces titres sur sa page. Je crois qu'on va faire sa playlist bientôt sur ma page. On va pouvoir retrouver ta playlist. Oui. Oui. Oui. Oui. Tu te poses. Il y a un gros point d'interrogation là. Bientôt. Bientôt. En tout cas, vous allez pouvoir retrouver les podcasts de toutes les émissions très très bientôt sur la page myspace.com/leçon de la radio. Voilà, tous les podcasts de toutes les émissions très prochainement. Voilà, je vous embrasse. Je vous laisse avec la fin de Lullabies. Moi aussi, je vous embrasse. Voilà, Lullabies vous embrasse. On vous embrasse. Et on va bouffer. Et on va manger. Après le petit jingle, l'émission de la semaine dernière, de jeudi dernier, avec Le Mato, qui nous parlait du cinéma. Salut, à demain, si vous le voulez bien. Au revoir. Amis du soir, bonsoir, sur ma radio.